Chapitre 17e, Lance au crabe. Lorsque l'on a dépassé le banc de Terre-Neuve, si l'on remonte vers le nord en suivant les côtes, on se trouve dans une des contrées les plus curieuses du monde, le Labrador. De nombreuses îles où chaque année viennent nicher des myriades d'oiseaux aquatiques s'échelonnent le long du continent. La navigation est fort difficile dans ces parages, aussi faut-il un pilote habile et expérimenté pour éviter les mille récifs qui existent dans cette sorte de mer intérieure. Pedro Diaz, qui connaissait à merveille cette partie de l'Amérique du Nord, avait pris le gouvernail du petit vapeur. Après 2 jours d'une navigation que la prudence rendait lente, le yacht jeta l'ancre dans une crique dont aucun géographe n'a révélé l'existence, mais que les naturels du pays désignent sous le nom de Lance au crabe. Maresco et sa compagne, en voyant le vapeur arrêter sa marche, comprirent qu'ils étaient parvenus au terme de leur voyage. Le moment psychologique approchait pour eux. « Veux-tu me faire un serment ?» dit le bandit à la jeune indienne. « Lorsque tu auras parlé, je répondrai, » fit-elle. « Explique-moi ce que tu désires. »« Tu me connais assez, » répliqua l'ancien chef des compagnons de l'Arche, « pour savoir que la mort ne m'effraie point et que 100 fois j'ai joué ma vie sans la moindre émotion. Oui, je sais que l'homme auquel je me suis donné est brave. C'est parce que je connaissais ton courage que je t'ai aimé et que j'ai abandonné mon père, ma tribu et nos territoires de chasse. » « Dis-moi quel serment tu exiges de moi. » Nous allons être remis entre les mains des guerriers que commande ton père, et il ne me pardonnera jamais de lui avoir enlevé sa fille. Mon père n'a jamais fait grâce à un ennemi. Vaincu, tu seras probablement attaché au poteau du supplice, et comme tu es courageux, tu sauras dominer la douleur et chanter le chant de mort. Je suis résigné à mourir, mais non au milieu des tourments atroces que ton peuple réserve à ses victimes. Jure-moi que tu me tueras afin de me les épargner. « Il ne faut pas désespérer encore. Peut-être mon père se laissera-t-il fléchir par mes prières et par mes larmes. Peut-être la joie de me retrouver lui fera-t-elle oublier son injure. S'il pardonne, tu deviendras un guerrier Comanche, et qui sait, un jour le chef de la tribu. »« Rêve, illusion que tout cela, » prit Maresco, « ma sentence de mort est prononcée d'avance, et mon supplice aura lieu sans doute au bord de la mer, en débarquant. »« Non. » répondit la gazelle, on nous conduira au campement de la tribu et sommes dans une vallée des montagnes rocheuses qu'on dressera le poteau. Mais alors, il nous faudra plusieurs jours de marche pour atteindre les premiers contreforts des montagnes. Nous aurons des rivières et des forêts à traverser. Oui, eh bien ? Eh bien, la fuite est possible et nous pourrons échapper à nos ennemis. La jeune femme secoua la tête d'un air de découragement. On ne nous perdra pas de vue un seul instant. Autour de nous veilleront sans cesse des espions, dont les yeux clairvoyants déjoueront toutes nos tentatives. C'est ce qu'il faudra voir, et je ne te demande qu'une chose, c'est d'exécuter mes ordres. J'ignore ni d'où, ni comment viendra notre délivrance, mais j'y crois. Cette fois encore, je serai plus fort que la destinée. « Je suis ta femme, j'obéirai, » répondit l'Indienne. Ils en étaient là de leur entretien, lorsqu'un bruit se fit entendre au-dessous d'eux. C'était une sorte de clapotement qui se reproduisait à intervalles égaux. « Quel est ce bruit ?» demanda Maresco en dressant l'oreille. C'est celui des pagaies indiennes. Selon toute probabilité, les guerriers de ma tribu montent en ce moment sur notre yacht. Ils ont donc été informés de notre arrivée, il faut le croire. S'il en est ainsi, leur est venu, souviens-toi de ce que je t'ai dit. La fuite, si elle est possible, sinon la mort avant le supplice. La gazelle inclina silencieusement la tête en signe de consentement. Nous allons quitter maintenant Maresco et sa compagne et nous remonterons sur le pont du petit vapeur. Depuis que l'ancre avait été jetée dans l'anse au crabe, Pedro Diaz inspectait les masses boisées du continent à l'aide d'une longue vue. « Personne, » se dit-il, « l'agent auquel le duc a envoyé un télégramme n'aurait-il pas pu rejoindre le lynx des prairies ? Ce serait fâcheux, car nous nous verrions forcés de stationner dans cette crique déserte. » Comme il achevait ce monologue, il lui sembla entendre un houlement qui rappelait celui d'une chouette. « Singulier, » fit-il, « la chouette ne parle que la nuit. Et nous sommes en plein jour. » Il est à peine midi. Une seconde fois, le même cri arriva à son oreille, mais plus distinct et plus rapproché. « J'y suis, » pensa-t-il, « ce sont les peaux rouges. Ils ne veulent pas se montrer avant d'avoir reçu un signal de reconnaissance. Et je vais leur en adresser un qu'ils comprendront. » Il mit le médium et l'index dans sa bouche, d'où sortit aussitôt une sorte de chant bizarre, celui de l'oiseau appelé le moqueur. Le résultat ne se fit pas longtemps attendre. Une pirogue apparut, puis une seconde et une troisième. Pedro Diaz en compta bientôt 6, et chacune d'elles contenait 8 peaux rouges en costume de guerre. Lorsque les pirogues furent apportées du yacht, le Texien prit son porte-voix et demanda en langue indienne ce qu'on lui voulait. Un guerrier se dressa et répondit « Je suis le lynx des prairies et je viens chercher le prisonnier comme envoie mon frère le duc de Clodion. »« Vous pouvez monter avec 6 de vos guerriers, » répondit Pedro Diaz, « et je vous remettrai celui que vous réclamez. »« Attendez un instant, on va descendre l'échelle. »« Nul besoin. Mes guerriers et moi sommes agiles. Un simple cordage suffira pour que nous nous hissions. » Pedro Diaz fit signer un matelot qui jeta aussitôt une amarre. Quelques minutes plus tard, les 6 comanches et le lynx des prairies avaient gravi les bordages du petit vapeur. « Chef, » dit le Texien en allant devant de ce dernier, « le duc Jean de Clodion n'a pas oublié que vous lui avez rendu la liberté, et il a tenu la promesse qu'il vous avait faite. Je lui ai demandé de me livrer Maresco, qui m'a fait la plus mortelle des injures en enlevant ma fille unique, » répondit le peau rouge d'une voix brève. « Où est-il ? » Mon maître a tenu plus qu'il ne vous avait promis, répliqua Pedro Diaz. Ce n'est pas seulement le ravisseur qu'il vous envoie, mais encore l'enfant que vous aviez perdu. Le lynx des prairies, en entendant ces paroles, eut une sorte de tressaillement. J'espère, continua Pedro, que vous pardonnerez à votre fille. Votre sang coule dans ses veines. Elle ne redeviendra ma fille que lorsque Maresco aura payé sa dette. Il sera attaché au poteau du supplice. Où et quand s'accomplira cet acte de justice auquel je dois assister? Mon ennemi sera conduit dans ma tribu. C'est là qu'il subira son châtiment. Je vous préviens, chef, que Maresco est résolu et adroit. Il tentera tout pour vous échapper. Le lynx des prairies se prit à sourire. Mes guerriers ont les yeux clairs et les oreilles fines. Soyez tranquilles, ils feront bonne garde. Quand voulez-vous embarquer? À l'instant, car il faut que mes pirogues gagnent avant la nuit le rio qui descend des montagnes rocheuses. En ce cas, on va vous amener les prisonniers, et je vous demanderai quelques minutes pour faire mes préparatifs de départ. » Le chef acquiesça silencieusement. Pedro Diaz donna aussitôt des ordres à 2 de ses matelots, et ceux-ci descendirent dans l'entrepont. La jeune indienne ne put se défendre d'un frémissement en entendant des pas s'approcher de la porte de la chambre blindée qui leur servait de prison. Puis, se remettant bientôt, « Embrassons-nous une dernière fois, » dit-elle à Maresco. Maresco le bandit, le misérable sans foi ni loi, la pressa plusieurs reprises contre sa poitrine. « Tu es la seule femme que j'ai aimée, » fit-il d'une voix profondément émue. « Et moi, si je te perds, je te serai fidèle au-delà de la mort, » répondit-elle. La porte s'ouvrit, et 2 robustes matelots parurent sur le seuil. « Venez, on vous attend sur le pont, » dirent-ils aux prisonniers. Ceux-ci sortirent de la chambre sans prononcer un mot, et montèrent l'étroit escalier qui conduisait au pont. L'Indienne marchait la première, Maresco la suivait. Bien que la jeune femme s'attendît à trouver son père, elle fut prise d'un grand saisissement en le voyant, et ce fut d'un pas lent et tremblé qu'elle alla vers lui. Lorsqu'il n'en fut plus séparé que par une faible distance, elle s'inclina respectueusement. « Mon père, quel ordre avez-vous à donner à votre fille ?»« Je n'ai plus d'enfant, » répondit-il en l'écartant du geste, puis il commanda 2 de ses guerriers de s'emparer de Maresco et de le garrotter. En quelques instants, l'ancien bandit fut lié avec des lassos de cuir. Cette opération était à peine terminée, lorsque Pedro Diaz, qui avait fait ses préparatifs de départ, appela son second. « Je vous laisse le commandement du vapeur, » lui dit-il, « et vous demeurez ici jusqu'à mon retour. Votre absence sera-t-elle longue ? » demanda celui-ci. « Elle durera sans doute une 15aine de jours. Quand vous reviendrez, commandant, vous retrouverez le yacht dans l'état où vous l'aurez laissé, » répliqua le second.